Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie policière. Agents des services secrets, Muriel et Philippe forment un improbable duo amoureux. Dans leur nouvelle mission, ils sont chargés de mettre la main sur une clé USB cachée par Constance, la veuve d'un trafiquant d'uranium fraîchement assassiné. Cet étrange ingénu conduira le duo dans un cours de chant lyrique devenu un véritable nid d'espions. Hans Müller, mort d'une crise cardiaque. Oui, ben on va pas le pleurer. L'amour est fou. Constance Müller. D'après la maison, son mari lui aurait remis la clé USB. J'ai pas osé demander qu'est-ce que c'est une clé USB. La meilleure façon de l'approcher, c'est de faire comme elle. C'est de prendre des cours de chant lyrique. Alors, je vais vous présenter deux nouveaux élèves. Muriel, qui a déjà chanté. Et je vous présente Philippe, qui n'a jamais chanté. Vous n'avez même pas compris que le cours avait été infiltré par un nouvel agent venu de Corée du Nord. Tout ce qu'il nous demande, c'est de récupérer cette clé USB. Bon, évidemment, il y aura quelques morts pour l'exemple. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas moi la coupable. Il y a des traces d'uranium sous le capot. L'uranium enrichi, ça rend les gens fous. Oui, c'est comme l'argent. Ou les hommes. Mais je te préviens, je fais que regarder. Hein. Oui, mais quand ils arrivent à bander, parce que quand ils y arrivent pas, ça devient des animaux de compagnie. C'est pour moi, ça? J'ai envie de retourner au cours de chant. C'est très sympa, puis ça fait vibrer les cloisons internes. Le plaisir de chanter, une comédie policière d'Ilan Durand-Cohen avec Marina Foy, Laurent Dutch, un DVD pyramide.